Bonjour. Bonjour, vous avez la carte Fnac? Oui. Voilà. Vous payez comment? Pardon? Comment payez-vous? En espèces, par chèque, par carte? En liquide. Je vous dois combien? Ça fait 80 euros et 7 centimes. Ah bon? Mais combien coûte le DVD? 22,99€ le DVD, 23,92€ la clé USB et la BD. D'accord, d'accord. Alors, je paie par carte. C'est possible d'avoir un paquet cadeau? Oui, bien sûr. Vous trouverez les pochettes cadeaux dans le hall, à droite.